19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Voici quelques semaines, les réseaux sociaux se sont emballés autour d'une découverte archéologique, non pas comme d'accoutumée viking ou égyptienne, mais bien française, et réalisée au cœur de l'Allier. Celle de plusieurs exceptionnels dépôts contenant quantité d'objets en bronze, datés des tout débuts du premier millénaire avant notre ère. Consultant mes mails, j'ai vu que le directeur de la fouille m'avait convié sur son chantier pour voir sur place les belles trouvailles. Ayant raté l'invite, c'est donc en retour que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Pierre-Yves Milsan. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Maître de conférence à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, membre de l'UMR Trace, vous êtes spécialiste de la jus bronze et étiez venu il y a peu pour évoquer le pillage du trésor de Tavers. Aujourd'hui, nous évoquons votre fouille en Auvergne, celle d'un habitat fortifié. Pierre-Yves Milsan, qu'est-ce qu'un dépôt métallique de l'âge du bronze pour le commun des mortels? Un trésor? Eh bien, pour nous autres archéologues spécialistes de la proto-histoire, un dépôt métallique, c'est donc un ou plusieurs objets qui peuvent être donc en bronze, alliage de cuivre et d'étain, ou bien en or. Et on va parler de dépôt dès lors que ces objets sont trouvés dans le sol et dès lors que l'on pense qu'ils y ont été mis, placés sciemment. Alors ce que l'on appelle aussi des dépôts métalliques, ce sont en réalité des ensembles non funéraires, puisque leur particularité pour l'âge du bronze, c'est que ces ensembles sont trouvés dans d'autres contextes qu'une tombe. Et c'est ce qui intrigue les archéologues depuis pratiquement 150 ans. Avant d'évoquer ces merveilles, voyons le cadre. Des habitats fortifiés de l'âge du bronze, on en connaît quantité. Le vôtre a pour caractéristique d'être très grand. Alors effectivement, il s'agit d'un site de hauteur dont la surface aujourd'hui peut être estimée aux alentours d'une trentaine d'hectares. Le plateau est beaucoup plus vaste que 30 hectares, mais il y a une partie qui est bornée par un système de talus, même de remparts, peut-on dire. Il y a un double système de fortification qui vient barrer, en quelque sorte, une extrémité de ce plateau. Alors, 30 hectares, c'est quand même une surface qui est considérable pour un site fortifié, quelle que soit l'époque, mais c'est particulièrement important pour l'âge du bronze. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui on connaît à peu près 200 sites fortifiés avec une occupation de l'âge du bronze en France. Ces sites ont des superficies qui sont extrêmement variables, mais on sait qu'en moyenne, ils font à peu près 4 hectares. Des sites qui, comme celui dont on parle, font 30 hectares ou plus, on en connaît à peu près une quinzaine en France. Donc voilà, c'est pour dire les particularités de ce site. Et à l'intérieur du rempart, on a un habitat, on a des maisons? Alors, pour le moment, les fouilles ne sont pas encore suffisamment avancées pour qu'on puisse vraiment se prononcer, assurément. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, donc intramuros, à l'intérieur de ces remparts, on a effectivement quantité de traces d'occupation à caractère domestique, donc des objets du quotidien, notamment des fosses qui sont remplies, par exemple, de tessons, de céramique, d'éléments de meule, d'outillage en pierre du quotidien. Malheureusement, la faune n'est pas conservée parce que le substrat est acide. On a également en arrière des remparts des niveaux de sol avec parfois des tessons écrasés. Donc pour le moment, même si les surfaces ouvertes sont quand même très réduites, on est effectivement plutôt sur l'hypothèse que ce site fortifié devait servir à protéger un habitat potentiellement très important. Il nous reste maintenant encore pas mal de campagnes avant de pouvoir en savoir plus sur cet habitat. Il vous reste juste à le fouiller. Vous m'avez demandé de ne pas mentionner le lieu précis du site. Nous, bien sûr, nous jouerons le jeu, mais peut-être faut-il l'expliquer aux auditeurs? Je peux vous en dire quand même un petit peu plus concernant la localisation, parce que nous travaillons dans le cadre d'un projet collectif de recherche qui est consacré à la région de Ghana. Donc Ghana, c'est dans le sud de de l'Allier. On est à peu près une soixantaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. C'est une région qui est drainée notamment par un affluent de l'Allier. Cet affluent s'appelle la Sioule. C'est un endroit avec pas mal de potentialités économiques, notamment agro-pastorales, pour des sociétés telles qu'on en connaissait à l'âge du bronze. Maintenant, je ne peux pas effectivement vous en dire plus. Pour une raison simple, c'est qu'on a démarré en fait le travail en 2019. Et puis, il y a des découvertes qui ont été faites qui sont assez exceptionnelles. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite pour le moment préserver d'une certaine manière l'anonymat du site, hein, tout en sensibilisant évidemment les personnes du CRU pour qu'elles puissent aussi prendre en charge la sauvegarde d'un patrimoine qui est quand même extrêmement fragile, qui s'érode et qui n'est pas renouvelable, bien entendu. Le risque, c'est le pillage. D'ailleurs, pillage, il y a eu sur ce site. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes intervenus. Il s'agissait d'abord d'essayer de sauver les informations qui pouvaient l'être et puis ensuite d'essayer d'assurer la préservation des éléments particulièrement sensibles au pillage. Et il est bien entendu que les dépôts métalliques de l'âge du bronze sont des cibles privilégiées pour les pilleurs. Vous avez engagé vos fouilles en 2019. Aujourd'hui, combien avez-vous découvert de cachettes remplies d'objets de l'âge du bronze ? Nous-mêmes, sur le terrain, avons trouvé 6 ensembles qu'on peut considérer comme étant des dépôts métalliques de l'âge du bronze. Donc 2 sont très modestes. Les 4 autres sont nettement plus importants. On a pu malheureusement caractériser un certain nombre de cratères de pillage. Dans ces cratères, on a eu la bonne ou la mauvaise fortune, selon les points de vue, de trouver des objets métalliques, des éléments en ambre, etc., qui laissent supposer qu'au moins 6 ensembles avaient été pillés il y a quelques années. Et puis, par ailleurs, mais ça n'est pas du pillage, nous savons qu'au 18e, au 19e siècle, des dépôts importants avaient été mis au jour et avaient particulièrement attiré l'attention des savants de l'époque. Je pense surtout à un dépôt mis au jour en 1751, composé de 7 épées en bronze, de 2 roues de char en bronze, tout à fait extraordinaire. Et ces objets avaient vraiment suscité l'intérêt, notamment de l'Académie royale. On s'était posé évidemment la question, notamment de la chronologie et aussi de la fonction et même des modes de fabrication de ces objets. Donc on voit que dès le XVIIIe siècle, ces sites du sud de l'Allier ont été en quelque sorte sous la loupe des savants. Mais ils avaient été quelque peu oubliés entre-temps. Vous avez trouvé 2 dépôts l'année dernière, encore un cette année ? On a depuis 3 ans donc trouvé 6 dépôts, donc 2 modestes, constitués d'une hache d'un côté, une hache et un lingot d'un autre côté. Et puis l'année dernière et cette année, nous avons donc découvert 4 autres ensembles nettement plus importants. Alors l'un que l'on pourrait qualifier de taille modeste, qui était donc installé dans une fosse. Il s'agit en fait d'une série de haches, 10 au total, placées au fond de cette fosse. Et puis nous avons donc 3 dépôts plus importants. Pour l'instant, on en a fouillé presque intégralement 2. Et puis celui qui a été mis au jour cet été, pour le moment, il a simplement été prélevé et on est en attente d'une tomographie avant de pouvoir démarrer la fouille. C'est-à-dire que vous faites une radio ? On fait un scanner, donc c'est effectivement de la radiographie, mais c'est la radiographie tridimensionnelle. Donc ça nous permet de conserver la mémoire vraiment de la disposition des objets les uns par rapport aux autres. Et puis surtout pour nous, c'est l'occasion d'anticiper la fouille, puisqu'on sait à l'avance quels sont les principaux éléments que nous allons découvrir, à quel niveau, à quelle hauteur, à quel endroit. Et donc c'est tout à fait crucial. On va y revenir. En mars 2017, 2 pilleurs étaient tombés sur un dépôt absolument très très important. Et le tout avait été saisi par la gendarmerie. On se retrouve un peu dans l'histoire de Tavert, là, le fameux dépôt dont nous avons parlé il y a peu. Oui, bon, et hélas, effectivement, aux alentours de 2017, il y a eu visiblement plusieurs campagnes de pillage qui avaient été mises au jour. Et donc c'est cet ensemble de presque 400 pièces qui a pu être saisie ensuite. Et puis aujourd'hui, ces objets, heureusement, ont pu intégrer les collections publiques du musée Anne de Beaujeu. Bon, ils sont encore en cours d'étude. Et donc, ce sont ces 400 objets qui, au départ, ont motivé aussi, en quelque sorte, l'amorce du projet d'investigation sur ce site de hauteur. Alors, on va voir ces 400 objets. Peut-être le plus exceptionnel, un élément de tintinnabulum. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, un tintinnabulum, c'est un objet en fait, dont on ne sait pas très bien justement à quoi ça servait. Ce sont des disques avec un système d'attache qui permettait d'y suspendre des pans de loc. Et puis, on a un système d'attache aussi qui montre que cet objet était destiné également à être suspendu. Donc, c'est un assemblage métallique de différents éléments qui devaient cliqueter, qui devaient tintinnabulé d'une certaine façon. On n'en connaît qu'une quinzaine, à vrai dire, en Europe. Et depuis le 19e siècle, eh bien, les archéologues s'interrogent pour savoir ce dont il s'agit. Est-ce que c'était des éléments suspendus au poitrail de chevaux attelés, attachés à la caisse d'un char? Est-ce que c'était des instruments cérémoniels, comme on le pensait au 19e siècle? Ou est-ce qu'il ne s'agissait pas peut-être d'éléments personnels, d'objets qui pouvaient être portés à l'occasion de cérémonies, mais sur un costume. Malheureusement, là, pour le coup, il faudrait être en contexte funéraire et avoir les objets placés par rapport au corps d'un défunt ou peut-être d'une défunte pour être sûr de la fonction de ces objets qui restent quand même assez mystérieux, qui détonnent quand même par leur qualité d'exécution et par leur dimension. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Le vôtre est entier ? Alors, il n'est pas tout à fait entier. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le disque principal, qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de diamètre. Il y a encore le système de suspension. Par contre, ce qui manque peut-être, ce sont les pans de loc. Alors, à vrai dire, dans l'ensemble pillé en 2017, il y avait aussi des pans de loc, mais on n'a pas, disons, d'éléments métalliques qui permettraient d'être sûr que ces pans de loc fonctionnaient avec le tintinnabulum discoïde. Justement, parlons de ces pans de loc. Elles sont très belles, elles sont quelquefois associées deux à deux. C'est des très très beaux objets. Là aussi, ça pourrait aller sur des chevaux, sur un char. Quelle est la fonction de ces pans de loc ? Alors là aussi, c'est quelque chose dont on discute beaucoup depuis le 19e siècle. Les archéologues ont privilégié jusqu'à présent l'hypothèse qu'il s'agissait plutôt d'éléments de harnachement équestre ou bien de décors de chars. À titre personnel, je pencherais plutôt en faveur de l'hypothèse d'éléments de costumes cérémoniels et en particulier d'éléments de costumes féminins qui devaient se démarquer à la fois par leur qualité d'exécution, pourquoi pas leur décor, etc. Bon, ces vêtements malheureusement ont disparu, mais ils étaient certainement aussi associés à de la parure métallique. Et on peut penser que ces costumes avaient une esthétique qui était à la fois visuelle mais aussi sonore. Donc j'aurais tendance à penser que ces petites pendeloques appartenaient plutôt à des costumes de femmes importantes de ces sociétés de l'âge du bronze. Alors c'est étonnant cette approche de l'âge du bronze au travers du son. C'est quelque chose que l'on perçoit peu en fait. Effectivement, l'archéologie a peu investigué jusqu'à présent le domaine de la musique, surtout pour les époques pré- et proto-historiques. Mais ce qui est sûr, c'est que, au-delà de leur dimension esthétique, quand on fait des reconstitutions expérimentales, on s'aperçoit que l'univers sonore de ces sociétés était quelque chose de très important. Ça devait même être assez assourdissant parfois. Et on peut penser que, dans certains cas, certains objets devaient être fabriqués pour rendre un son particulier, de la même façon qu'il renvoyait aussi un éclat particulier, puisqu'il ne faut pas l'oublier, ces objets sont en bronze. Le bronze, quand on le trouve, il est oxydé, mais les sociétés qui nous intéressent, ce qu'elles aimaient dans ce bronze, c'était son éclat. C'est-à-dire que quand l'objet est briqué, quand il est soigneusement poli, eh bien, il a l'éclat de l'or, il ne faut pas l'oublier. Le bronze a une couleur qui ressemble, à s'y méprendre, à celle de l'or. Dans ce dépôt de 400 objets pillés, il y aurait aussi des éléments de char. Des éléments de char et de harnachement équestre, en l'occurrence un élément de canon de mort, c'est-à-dire la barre métallique qui vient prendre place dans la bouche du cheval lorsqu'il est attelé. On a également des éléments de fixation de la roue ou de roue de char, mais cette fois-ci il s'agissait plutôt de roues mixtes à la fois en bois Et en métal, on a des sortes de rondelles qui permettaient de fixer les rayons de la roue. On a également des éléments de décoration, probablement de la caisse du char, des sortes d'appliques annulaires avec des petits clous. Et puis, on a aussi un très bel objet qui est en fait un cache-moyeu. C'est un objet en métal qui ressemble à une sorte de boîtier et qui permettait de bloquer la roue sur son essieu. Et puis, tout ceci était fixé avec une clavette. Donc, ce sont des objets qui sont extrêmement rare dans le centre de la France. Alors bien sûr, on connaît les chars à deux roues, à quatre roues de l'âge du fer, de la période Hallstatt, de l'Athènes. On en trouve quand même quantité. Qu'est-ce que l'on sait sur les chars de l'âge du bronze ? Alors, on sait beaucoup de choses dans le sens où on retrouve très régulièrement dans ces contextes un petit peu exceptionnels des pièces métalliques dont on est en capacité d'identifier la fonction, tout simplement parce que les chars ultérieurs, ceux du début de l'âge du fer, étant déposés parfois dans des sépultures, ils nous permettent, par approche régressive en quelque sorte, d'identifier comme tels les objets de l'âge du bronze. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une continuité, si vous voulez, dans la charrie de l'âge du bronze au premier âge du fer. Et donc, même si malheureusement les objets de chars et d'équipements équestres de l'âge du bronze ne figurent pas dans des sépultures, sauf exception, on est quand même en capacité, si vous voulez, de les replacer plus ou moins précisément sur ces véhicules, sur les harnachements qui accompagnaient les chevaux, grâce justement à cette continuité avec les sociétés à tombe à char du premier et du second âge du fer. Quand on a un char, il nous faut une route. Alors oui, effectivement, on connaît des systèmes de voirie de l'âge du bronze, certaines ayant été fossilisées lors de la construction de tumulus. Et puis, les recherches les plus récentes montrent que certains itinéraires empruntés, par exemple, à l'époque romaine, eh bien, étaient jalonnés par des monuments funéraires, des tumulus dont certains remontent à l'âge du bronze. Et on a de bonnes chances de penser qu'une partie, finalement, des voies antiques, eh bien, existait déjà à l'âge du fer, bien sûr, mais aussi à l'âge du bronze. Alors, sous quelle forme, c'est assez difficile à déterminer. On commence quand même à trouver des chemins creux de l'âge du bronze, parfois des endroits avec des ornières qui sont damées. On a des indices, effectivement, d'entretien de voies qui permettaient le passage de ces véhicules qui, parfois, étaient à l'évidence des véhicules lourds. Les objets sont-ils brisés à l'image de ce que l'on appelle les cachettes de fondeurs et bien sûr en vue donc de produire de nouveaux outils? Ça aussi, c'est la particularité de ces ensembles auvergnats, c'est que sauf exception, la plupart des objets sont intacts. Pour autant, ils ne sont pas neufs. Ils présentent souvent des traces d'utilisation, des traces d'usage, mais on n'a pas délibérément brisé, cassé ces objets avant de les placer dans leur fosse ou dans les vases qui les contenaient, à la différence de pratiques de dépôt qui, à cette même époque, dans l'ouest de la France, privilégie justement le bris des objets. C'est-à-dire que on est face à des distinctions régionales qui recouvrent aussi des distinctions culturelles, voire même de civilisation, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques de dépôt qui varient d'une région à une autre. Donc en Auvergne, on a la chance, si je puis dire, d'être face à des sociétés qui, elles, font le choix de placer des objets en très bon état d'utilisation dans ces dépôts, sauf exception. Il y a quand même quelques objets brisés, mais c'est vraiment très modeste. Pierre-Yves Milton, à quoi ressemblent les quatre dépôts mis au jour donc par vous-même en 2020 et 2021? Les objets sont-ils les mêmes? Alors oui, effectivement, les objets sont en grande partie les mêmes que pour le dépôt pillé en 2017. À ceci près que dans l'ensemble de 2017, il y avait un poids de balance tout à fait étonnant, unique, en plomb chemisé de bronze. Donc pour l'instant, on n'a pas d'équivalent. Pour les dépôts que nous avons pu fouiller, donc les quatre gros, pour l'instant, il n'y en a que trois, je le rappelle, qui ont pu être véritablement investigués. Le quatrième est en attente. Pour ces trois dépôts, donc l'un était de taille moyenne, constitué de haches. Les deux autres sont de taille plus importante, étaient placés tous deux dans un vase, disons, de même forme, de même taille. Ce sont des vases en céramique qui sont de très belle qualité, sont vraiment avec des décors et un système de lustrage qui est tout à fait remarquable. Donc c'est plutôt de la vaisselle céramique fine, de luxe, probablement de la vaisselle pour la consommation de boissons vraisemblablement alcoolisées. Et donc à l'intérieur, un empilement d'objets, mais que l'on retrouve d'un dépôt à un autre. À savoir qu'on a d'abord placé au fond de ces vases des séries de bracelets déposés en piles, des piles appareillées. Certaines piles présentent des parures de très petite taille, donc on peut penser que la parure d'un enfant a été impliquée dans ces gestes. Ensuite, au-dessus de ces bracelets, on va trouver des éléments aussi en commun à ces deux dépôts. Les pendeloques, une ceinture, dont une qui est tout à fait surprenante parce qu'elle a conservé en fait tous les éléments qui la décoraient, si bien qu'on peut déterminer qu'elle était enroulée dans le vase. Et puis on a une série surprenante de galets, de rivières, de couleur blanche, pour l'un des dépôts de couleur rouge, pour l'autre de ces ensembles. Et puis le tout était recouvert, scellé, si je puis dire, par des séries de haches disposées soigneusement tête bêche. Donc voilà un petit peu le portrait robot, si vous voulez, de ces deux dépôts. Maintenant, il y a aussi des différences de l'un à l'autre. Par exemple, dans l'un, on va trouver des pièces d'armement dans la partie centrale, pointe de lance, grand coutelas, morceaux d'épée, que l'on ne retrouve pas dans l'autre. Donc vous voyez, il y a des systèmes de correspondance entre les dépôts que nous avons mis au jour et puis aussi des systèmes de correspondance partielle avec l'ensemble de 2017. Peut-on y voir des pratiques rituelles ? Bien sûr, rituelles liées à la fondation, par exemple, du site ou à son abandon, pourquoi pas ? Alors ça, c'est une question qui remonte aux origines de l'archéologie proto-historique. Effectivement, à quoi pouvaient bien servir ces dépôts ? Ces questions, les archéologues des années notamment 1870-1880 les ont posées et on peut dire que les interprétations depuis n'ont pas vraiment changé. Hein. On peut dire que c'est les hypothèses qui sont proposées par les archéologues depuis le 19e siècle sont toujours un petit peu les mêmes. Le spectre est très large, mais on peut dire qu'il y a deux pôles dans ce spectre. Certains vont considérer... par exemple, à la suite d'un célèbre archéologue français, Ernest Chantre, du XIXe siècle, qu'il s'agissait essentiellement d'ensembles à vocation économique, c'est-à-dire des richesses qui auraient été confiées au sol pour être cachées dans la perspective d'une récupération. Et là, dans ce cas, on pourrait, si on était dans ces hypothèses, parler de trésors, parler de cachettes, cachettes de fondeurs, etc. Et puis, il y a les autres hypothèses qui considèrent au contraire que ces ensembles métalliques auraient été confiés au sol volontairement et définitivement. Alors maintenant, pour revenir à l'Auvergne, moi je pense que tant qu'un dépôt n'est pas trouvé par un archéologue, tant qu'il n'est pas mis en contexte, si on ne sait pas quel était l'ordonnancement des objets, on ne peut pas véritablement trancher la question de la fonction, des intentions sous-jacentes à l'enfouissement. Maintenant, là où nous sommes, on a des éléments de réponse pour la première fois, peut-être en France, qui nous permettent de penser qu'il y a des rituels, parce qu'il y a répétition, parce qu'il y a des sélections, parce qu'il y a beaucoup de précautions dans l'installation des objets. Et puis, il y a aussi une disposition dans l'espace très particulière qui donne à penser qu'on a plutôt affaire effectivement à des offrandes faites soit au début, à l'inauguration du site, donc dépôt de fondation, ou bien au moment de l'abandon du site au IXe siècle avant Jésus-Christ. Pierre Vincent, pourquoi ces découvertes dans l'Allier vous semblent très importantes ? Parce que depuis le XIXe siècle, on s'interrogeait sur la fonction de ces objets, de ces ensembles métalliques, de ces dépôts. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient jamais découverts par des archéologues. Au XIXe siècle, c'était des agriculteurs. Ils étaient parfois très vite dispersés. Les archéologues essayaient de récupérer ce qu'ils pouvaient. Beaucoup d'éléments étaient perdus. Et puis surtout, on n'avait pas d'éléments de contexte. On ne savait pas comment ces objets étaient placés les uns par rapport aux autres. Depuis quelques années maintenant, eh bien, hélas, il y a à nouveau beaucoup de découvertes, mais qui, elles, non plus, ne sont pas faites par des archéologues. Ce sont malheureusement les pilleurs qui font ces trouvailles aujourd'hui, généralement. C'est ce qui fait qu'on ne pouvait pas trancher ces hypothèses. Ce qui fait le caractère exceptionnel, à mon sens, de nos découvertes, c'est qu'on est en mesure, pour la première fois, de fouiller une série de dépôts dont on sait qu'ils sont parfaitement intacts et avec des conditions d'investigation, de fouilles qui nous permettent enfin de savoir comment fonctionnaient ces dépôts et quels étaient les... On peut même reconstituer les gestes qui ont permis de les organiser. Alors bien sûr, vous avez réussi à dater ces vestiges au travers de la datation donc d'une graine d'orge conservée dans une des fosses. La date 851 et 813 avant notre ère, donc ça y est, on est bien dans la toute fin de l'âge du bronze. D'où viennent tous ces objets? C'est une production locale? Ce sont des importations? Pourquoi cette richesse? Alors déjà, on a pu resserrer un petit peu la fourchette chronologique. Donc maintenant, on sait qu'on est entre 906 et 805 avant Jésus-Christ. Bon, on est à 95% de certitude. Donc voilà, on sait qu'on est au 9e siècle. Bon, c'est pas une surprise, mais c'est une confirmation, bien sûr. Alors, comment expliquer toute cette richesse et d'où viennent les objets? Pour ce qui est de leur provenance, on pense quand même pour beaucoup à des productions locales parce qu'on a des équivalents trouvés dans le centre-est de la France, en Auvergne en particulier. Mais on a aussi des éléments d'importation, ça c'est sûr. On a en particulier des éléments qui ne sont pas en métal, des perles d'ambre qui nous viennent de la Baltique. Nous avons aussi des perles en verre bleu dont on sait qu'elles étaient fabriquées à cette époque. En Italie du Nord, en Vénétie, c'est-à-dire dans la région de Venise, on produisait déjà du verre à l'âge du bronze final. Et puis on a eu une belle surprise aussi, nous avons mis au jour une hache qui est vraiment caractéristique de la région de Londres, pour faire simple, du sud-est de l'Angleterre. Donc on voit qu'on est ici, une fois de plus, à l'articulation de différents réseaux de contacts depuis le nord de l'Europe, la Méditerranée, les îles britanniques, sans doute encore d'autres régions. Tout ceci montre évidemment la richesse de ces ensembles, le fait qu'à cette époque, le métal, mais pas seulement, circule beaucoup, sur des centaines, des milliers de kilomètres. Ce sont des sociétés complexes, très bien organisées, dont une partie de la population constitue une élite. Et cette élite fait le choix d'organiser, en quelque sorte, cette richesse. Elle fait le choix aussi, certainement, de structurer son territoire. Elle fait le choix de s'implanter aux endroits un petit peu névralgiques. Là, on va pouvoir contrôler les échanges à longue distance. Et puis, dans la région où nous sommes, il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources en étain, des ressources en or, un bon potentiel agropastoral, donc tout ce qu'il faut pour qu'une élite puisse se développer et accumuler la richesse en un lieu. En conclusion, Pierre-Yves Milsan, qu'est-ce que ces dépôts peuvent nous dire sur ces sociétés du bronze final? C'est qu'on a affaire à des sociétés qui n'ont pas du tout le même rapport à la richesse que nous. C'est-à-dire que dans ces sociétés, le métal est bien entendu très important, il est précieux, il vient de loin. C'est ce qui explique qu'en temps normal, quand on fouille un habitat modeste de l'âge du bronze, on ne trouve pas d'objets métalliques, on trouve de la céramique, autre chose, pas de métal. Non pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que tout simplement, les objets en métal coûtant cher, dès qu'ils étaient hors d'usage, ils étaient recyclés. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, de trouver effectivement sur un habitat de l'âge du bronze, paradoxalement, des objets en bronze, du moins d'une certaine taille. Donc si on en trouve, c'est que ces sociétés ont fait le choix, sciemment, de sacrifier une partie de leur richesse. Ces sociétés, au lieu de capitaliser la richesse, préféraient vraisemblablement avoir un capital social. Et ce capital social passait notamment par des pratiques de redistribution de la richesse par des pratiques de prestations sociales. Et puis, on peut penser aussi que dans ces sociétés, il était absolument important, décisif, d'avoir l'aval, l'appui des divinités. Et donc, on peut penser qu'elles faisaient le choix également de sacrifier ces richesses pour avoir un retour du monde surnaturel. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré. Et bien sûr, avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.